Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien sur Radio Radio, il est 21h01 et vous écoutez, nous sommes le jeudi soir, vous écoutez vraiment autre chose. Il est 21h01, alors si vos initiales sont NJL et surtout, si vous buvez le caramel avant de manger le flan. Alors là, c'est l'heure d'aller vous coucher. Moi, il faut que je me calme, il faut que je pense à autre chose, il faut que je... Voilà, en tout cas, c'est l'heure d'aller vous coucher. Voilà. Si ce n'est pas le cas, alors restez à l'écoute de Radio Radio, parce que pour le coup, ce soir, il va se passer de très, très, très, très, très belles choses. En effet, ce soir, c'est vraiment autre chose, mais c'est surtout la quatrième édition de nos hors-séries au pied de la lettre, tentative maladroite d'exploration de la Nurse with Wound List. Ça fait un mois qu'on est sur ce sujet-là, donc un petit récapitulatif si vous avez raté les épisodes précédents et que vous pouvez rattraper votre retard bêtement en écoutant les podcasts de Vraiment Autre Chose. Vous les trouverez sur le Mixcloud de Radio Radio, vous les trouverez sur le blog de Vraiment Autre Chose en tapant Vraiment Autre Chose et haut et fort tout attaché sur n'importe quel moteur de recherche. Et là, vous tomberez magie sur notre blog et vous pouvez écouter nos trois émissions précédentes qui étaient consacrées à la Nurse with Wound List. Alors, qu'est-ce que c'est que la Nurse with Wound List? Eh bien, l'histoire se passe en 1978 quand sort le premier album de Nurse with Wound, qui est alors un trio autour de Steve Stapleton, et dans ce disque se trouve une liste de leurs influences, voilà, liste qui sera étendue quelques années plus tard dans le deuxième album de Nurse with Wound. Donc on se retrouve avec 291 noms, des plus obscurs aux plus connus. On peut y retrouver aussi bien Frank Zappa, King Crimson par exemple, que des groupes complètement inconnus comme Anal Magic, dont on a parlé l'émission précédente par exemple. Et voilà. Et cette liste, eh bien, c'est la démarche de ces musiciens de Nurse with Wound, qui affirment d'ailleurs ne pas être musiciens, ne jamais avoir touché un instrument avant d'enregistrer leur premier album. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact. En tout cas, voilà, c'est leur propos de dire tout le monde peut être musicien, il suffit de savoir écouter. Et eux, bah, ils savent écouter. Ça, en l'occurrence, on ne peut pas leur enlever ça, puisque ce sont deux des Nurse with Wound List, des musiciens, pardon, Steve Stapleton et son confrère, si je ne m'abuse, John Fogerson, qui sont deux grands fans de musique expérimentale et qui ont passé des années, mais alors des années, une dizaine d'années, à chiner des disques de musique expérimentale, musique avant-gardiste, dans les disquaires de Londres, de l'Angleterre et de l'Europe. Et ça a été un très long travail que de chiner toutes ces musiques. Et on peut dire que c'était pas du vent. On n'allait pas croire que pour préparer cette liste, les deux chinent de l'air, parce qu'au contraire, vraiment, ils nous ont découvert des pépites, des choses assez incroyables. Et c'est ce qu'on a plaisir à partager dans ces éditions hors série de Vraiment Autre Chose au pied de la lettre. Et je ne suis pas tout seul pour vous raconter cette histoire, puisque je suis en compagnie, en présentiel comme on dit maintenant, du charmant et irremplaçable Guénolé. Bonsoir Guéno. Salut Manu, bonsoir tout le monde, et heureux d'être de retour à nouveau pour cette exploration minutieuse et approximative. Eh ben, content de t'avoir à mes côtés, enfin en face pour être précis. Et nous avons aussi en direct depuis Bruxelles l'ineffable présentateur de Mokral Slow sur Radio Panique, à savoir Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir Manu, bonsoir Guénolé, bonsoir Tony, bonsoir les auditeurs de Radio Toulouse, ou Radio Toulouse. Salut. Eh ben, waouh, alors là t'as été... C'est vrai qu'on peut saluer Tony qui nous écoute et qui va nous rejoindre un peu plus tard pour lui aussi nous faire découvrir ou redécouvrir des pépites obscures des années 70. Alors en l'occurrence, ça va être redécouvrir, puisque le groupe dont tu vas nous parler maintenant, ben, toi-même t'en as déjà passé un morceau d'ailleurs il y a quelques émissions de cela, et puis nous-mêmes on s'y était arrêté quand on avait fait une nuit spéciale Rock in Opposition, mais je parle beaucoup, alors là je te laisse la parole. Il n'y a pas beaucoup à dire, parce qu'on va, je pense, directement se lancer d'écouter un premier morceau de leur album 11 danses pour combattre la migraine, et c'est Aksak Mabul qu'on va écouter de Marc Hollander. Et ben c'est parti. Un, deux, trois. Thank you. suivi le dernier épisode avec la lettre A pour la liste Nurse with Wound. On vient de le commencer en Belgique avec Marc Hollander, Aksak Maboul avec un K, avec Milana Percaso de l'album 11 d'11 pour combattre la migraine. Ce morceau me rappelle toujours le Penguin Café Orchestra et le morceau c'est Penguin Café Single de 1976. Pour le début de l'histoire de Aksak Maboul, il faut déjà retourner vers une autre formation belge, c'est COS. COS, centré autour de Daniel Schell. Pour leur deuxième album, Viva Boma, Marc Hollander, clavier, clarinette et écrit des chansons. Ensuite, fondateur de Crème Disc en 81 et Marc Moulin, comme producteur, les rejoint. Marc Moulin, c'est un DJ de radio, un musicien de jazz, producteur, mais aussi interprète avec Placebo et Telex. L'année suivante, Marc Moulin lance un nouveau label appelé Kamikaze. Il demande à Marc Hollander de composer et d'enregistrer le premier album pour le label. Marc fait appel à Vincent Kennis pour le rejoindre en cours de route, ce qui donne Aksak Maboul. Et je dis toujours avec un K parce que le deuxième album, c'est avec un Q. Le duo enregistre l'album 11 d'11 pour combattre la migraine, dans laquelle ils mélangent et déconstruisent les genres afin de créer leur propre univers musical avec ses éléments de jazz, d'électronique, de fausse musique africaine ou balkanique. De musique minimaliste, cet album résiste depuis des décennies. On va maintenant écouter trois morceaux de 11 danses pour combattre la migraine. Les deux premières sont très courtes pour illustrer la diversité et origine. Le premier, c'est Chiobana. Le deuxième, c'est Mercredi Matin. Et le troisième, c'est mit ein Soße Gurke aus einem Urwald gelockt. Thank you. Super. Ça fait du bien d'écouter ça. Excuse-moi. Ça fait du bien d'écouter tout ça. Merci, Nico. Oui, tout à fait, tout à fait. Et aussi, si on écoute tout l'album en entier, c'est sublime, tu vois. Tous les styles différents, ça reste un grand album après 40 ans, c'est encore magique. Et du coup, là, les trois morceaux sont tirés d'un album, et le premier morceau que tu nous as fait passer d'un autre album, c'est bien ça ? Non, c'est tous les morceaux aujourd'hui sont de même album. D'accord. Parce que c'est le seul album qui était encore repris dans la première liste de Nurse with Wound. Ok. Parce que je disais à Manu, en écoutant le premier morceau, moi, ça me faisait penser à un groupe belge que tu connais peut-être. Enfin, un album très précis d'eux, c'est Zita Swoon. Et c'est un album, à l'époque où il s'appelait pas encore Zita Swoon, mais Moondog, où ils ont fait un album qui s'appelle Music Inspired by Sunrise, le film de Murnau, qui est un album dont je me délecte très régulièrement. Vraiment un album de chevet. Et je sais pas, ce premier morceau me faisait penser un peu à ça. Voilà. Ah, voilà. Bah, et chacun a une autre idée, comme moi aussi, pour le premier morceau que j'ai passé, c'était plutôt The Penguin Café Orchestra. Et pour toi, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est chouette. Bah oui. Est-ce que vous sauriez l'un ou l'autre me renseigner un petit peu plus sur le nom de ce groupe, puisque AKSAK, AKSAK, c'est aussi le nom de rythme, je crois, de rythme dans la danse ou dans la musique traditionnelle balkanique ou turque ou grecque, enfin cette région-là, parce qu'on retrouve de toute façon des choses communes et des racines communes à ces trois expressions musicales. Tu sauras m'en dire plus sur le AKSAK ? Non. Okay. Non, moi non plus, mais c'est vrai que rien que la sonorité, on peut sentir l'influence, je sais pas, un mélange de balkano-ottoman, quoi, de tout ce truc-là. En musique et en danse traditionnelle, le terme AKSAK désigne les principaux rythmes irréguliers qu'on rencontre principalement dans les Balkans, en Grèce, en Turquie et en Bulgarie. Ces rythmes sont composés d'un ou de plusieurs groupes binaires et d'un groupe ternaire qui se combinent en une seule mesure. Voilà, pour un petit résumé. Et ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi que le deuxième album, c'est avec un Q au lieu d'un K. Ah ben ouais, c'est peut-être la raison, ouais. Ouais, carrément. Là, le style change complètement, je ne sais pas. Tu peux nous en parler un peu de ce deuxième album ? Ça, c'est plutôt avec des gens comme Fred Fleet et Chris Cutler qui ont accompagné. Et là, c'est devenu vraiment... un groupe rock in opposition. Et là, je pense que c'est plutôt ton domaine que tu adores vraiment. Ah oui, bah oui. Bah pour moi, c'est un album de chevet, le deuxième album. Un peu de l'âme des bandits. Une merveille, une pure merveille. Et effectivement, Fred Frith et Chris Cutler viennent prêter leur patte en intervenant, pas forcément dans la musique, je crois plutôt dans la production de l'album, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, ça c'est une pure couleur rock in opposition. Mais ouais, les deux albums d'AKSAK Maboul sont vraiment délicieux. Tu nous avais parlé d'AKSAK Maboul dans une émission précédente, on était parti dans une grande discussion, qui n'était pas un débat parce qu'on était assez d'accord sur le fait que ce groupe s'était reformé récemment, qu'on ne retrouvait plus vraiment la magie qu'il pouvait y avoir dans les deux premiers albums au niveau de la composition. Et que c'était parti sur quelque chose de toujours un peu expérimental, mais plus pop, on va dire, et un petit peu moins aventureux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et mon opinion n'est pas encore changée depuis ce temps-là. Parce que maintenant, au moment que je réécoute les deux premiers albums, il reste incroyable. C'est vraiment incroyable. Et aussi, si on voit la différence entre le premier et le deuxième album, c'est aussi... comme j'ai bien compris, après que le premier album était sorti, ils ont fait plusieurs tournées en Europe et il y a 10 ou 15 personnes qui ont joué avec eux durant cette tournée-là. Et ça a aussi donné la motivation d'inviter beaucoup des autres musiciens pour le deuxième album, qui est complètement changé d'esprit. C'est notre esprit, mais quand même, ça reste AKSAK Maboul. Ouais. Carrément, c'est tout à fait bien dit. On s'en écoute un petit dernier pour la route ? Tout à fait. Donc pour conclure ce chapitre avec AKSAK Maboul, on va écouter encore un tout dernier morceau de premier album et ça s'appelle Quickstep. Ok, c'est parti pour Quickstep et puis on te retrouve, Nico, un petit peu plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et vous êtes toujours sur Radio Radio, sur l'émission Vraiment Autre Chose, quatrième pied de la lettre, avec cette fois-ci Tony de Cherbourg. Allô Tony, es-tu là ? Allô, allô, Moshi Moshi, Radio Radio. Oui, très bien. Ça va bien ? Ça va bien toi ? Ouais, je suis content de vous retrouver, c'est la deuxième semaine, alors moi je veux bien que ça continue. Hein. Je suis content de vous parler tous les jeudis, c'est super. Bah oui, soyons cohérents dans le temps. Tout à fait. Soyons cohérents et soyons rythmiquement, tout à fait. Voilà. Alors, oui, vas-y, pardon. Écoute, on va enchaîner, on va passer des longs morceaux, alors soyons précis, concis, pas trop bref, mais aujourd'hui, je me suis intéressé à Airway. Vous connaissez ? Absolument pas. Enfin, moi, je connaissais le spray pour toilette, mais avec un S, mais c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors, à la petite présentation. Alors, Airway, alors c'est un peu, ça fait un peu peur. C'est la Los Angeles Free Music Society. Donc, on est un peu dans la continuité du free jazz, mais de manière plus électrique et on va dire... peut-être aussi plus dans les milieux des beaux-arts, à ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est un collectif qui se forme en 1974, très influencé d'ailleurs par Frank Zappa, tiens, et Captain Beefheart, comme c'est bizarre, qui avait déjà beaucoup œuvré à cette époque, en 1974. Donc on va en entendre beaucoup parler dans notre aventure de cette North with One List, hein, parce qu'il y a plusieurs groupes dans la Los Angeles Free Music Society, notamment les Doudouettes, les Smegma, Airway, les Pablums, le Fort Effort et les Extended Organ. Et pour ne pas citer non plus plein de projets solo, il y a, je pense, une bonne quinzaine de formations qui existent autour de cette donc, société de musique libre à Los Angeles, qui est en réaction aussi, je pense, à l'époque, à toutes les musiques un peu dites normales et toutes ces musiques qu'on entend à longueur de journée, j'imagine, à la radio. On a affaire à des gens qui font un peu, donc surtout des performances dans des musées, puisque je crois que Airway, a priori, ont fait une première performance à Tokyo en 1977. Nous, ce qu'on va entendre, là, c'est au LACE, ce qu'ils appellent le LACE, c'est un musée d'art contemporain à Los Angeles, donc au mois d'août en 1978. À ce que j'ai pu comprendre, j'ai pas eu beaucoup d'infos, mais a priori, jouer à l'étage, les gens étaient en bas, alors je pense qu'il y avait des images. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de messages subliminaux, donc par les deux leaders du groupe, qui travaille sur bande et que vous allez l'entendre hein, dans tout ce brouhaha qui est assez noise en fait, qui est un peu le précurseur de la noise music aussi hein, en 1978. On a des espèces de messages subliminaux, alors j'imagine aussi peut-être par les images. Ils ont refait des performances par la suite. Ils n'ont pas sorti beaucoup d'albums avec Airway, c'est vraiment un concept de groupe, donc de tous ces gens-là qui faisaient partie de ce collectif. Donc on retrouve les deux leaders qui s'appellent Joe Potts et Chip Chapman, qui font partie de ce groupe Le Fort Effort, qu'on va retrouver à un moment qu'on va arriver à la lettre EF, hein, dans je sais pas dans quelques semaines. Rick Potts, qui doit être de la famille Potts, qui chante. Et on retrouve un trio des Doudouettes, qu'on va retrouver aussi dans la North with One, pardon. Donc c'est Denis Duck au sax, Juan Gomez à la basse, Tom Recchion, qui est un petit peu connu dans les musiques improvisées à la batterie, et une personne assez étrange. Ah merde. Oh mince, pardon. Bon, suspense pour cette personne étrange. Ah, nos amis auditeurs, on est vraiment désolés, on a été piratés par les Russes, ouais. Qui empêchent cette émission de se dérouler normalement. Non, ils veulent créer un suspense, un teasing fou pour savoir le nom de cette personne, en fait. Bah, je crois que c'est ça. Bah, écoute, en attendant, on va retrouver Tony un petit peu plus tard pour avoir le nom de cette mystérieuse personne. En attendant, là, il nous a bien présenté, il nous a bien mis dans l'univers. Donc, on a affaire à un collectif de musiciens de Los Angeles, diverses société, formations. Une société, voilà, Los Angeles Free Music Society. Diverses formations, dont cette formation Airway, qui a plutôt tendance à être performative et qui se sert volontiers de l'image. Et qui sont des précurseurs de la noise, mais je crois qu'on est... On est bien mis dans la situation, donc c'est parti. On s'écoute, donc la deuxième partie, c'est le choix de notre ami Tony, la deuxième partie de ce Live at LACE. Waouh! Alors oui, effectivement, Anthony, tu avais parlé de précurseur de la noise, mais c'est clair. C'est, c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'on faisait ce type de son déjà en 1978. Je trouve ça hyper actuel. Et, complètement. Et j'adore cette façon d'amener, d'amener l'auditoire à la trance par, par le bruit extrême. C'est vraiment... Waouh! C'est scotchant. Complètement. Alors moi, j'ai pas vraiment entendu les messages subliminaux. Je sais pas où ils sont. Fallait être sur place, je pense, pour pouvoir entendre des messages subliminaux dans toute cette masse sonore incroyable. On peut imaginer des images avec dans une galerie d'art. Performance. Alors, j'ai été coupé par... je sais pas si c'est ma joue ou je ne sais quoi qui m'a mis en mode avion. Bon, peu importe. Je me suis arrêté à Vezza Trussel, qui était au chant, qui était un personnage haut en couleur, donc une chanteuse comédienne, chanteuse, qui intervient dans beaucoup de groupes aussi de cette Los Angeles Free Music Society. Et en fait, pour finir sur Airway, hein, qui est quand même intéressant, il n'y a pas beaucoup de disques de Airway qui existent, mais on aura l'occasion d'y retourner avec Smegma, les Douettes et le Fort et Fort. Peut-être pas de manière aussi violente, j'ai l'impression, mais des collaborations avec Jacques Fer, notamment, de Half Japanese, grand personnage aussi haut en couleur d'une autre époque, puisque lui, il a commencé en 1980, je crois. Il a beaucoup collaboré avec Tom Rekion, et aussi Keiji Aino, le japonais, un peu une grande figure de la noise music, qui n'a pas fait de collaboration avec eux, mais qui a dû aussi fortement s'en inspirer. Voilà, merci pour cette découverte. Ben, merci à toi. Ouais, carrément. Bah non, mais moi, vous me demandez de piocher dans une liste, c'est le hasard des choses. J'étais content de faire des trucs plutôt rock'n'roll noise avec vous, avec Shoreland, mais là, avec Airway, je m'attendais pas à ça. J'ai bien servi. Bah ouais, bah pareil, bah merci d'avoir travaillé pour nous. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, bien, on peut remercier Steven Stapleton pour avoir monté cette liste. Ouais, carrément, ouais. À tout à l'heure. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Hein. Bon voyage. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Bah ouais, on va continuer le voyage. On est allé en Belgique, on est allé... Los Angeles. On est allé à Los Angeles, tout à fait. Et là, on va en Allemagne. On revient en Allemagne, en fait. Si vous avez écouté le tout premier épisode d'Au pied de la lettre, cher Guénolé, tu nous parlais de Amondul, une communauté de musiciens en Allemagne, musiciens, pas forcément musiciens, mais ayant un instrument dans les mains, en tout cas. Ouais, qui se revendiquait pas comme musicien, qui était une communauté assez politisée, très politisée, qui était notamment fervent et féru d'usage de psychotropes pour se révéler à travers des instruments de musique. Ouais, exactement. Et ben, pardon. Amondul, donc tout à fait, t'as bien décrit. On avait écouté un titre de leur premier album Psychedelic Underground. À noter pour la petite anecdote, là, j'ai appris ça après coup, mais qui est pas inintéressante, c'est que il existe une théorie étayée en Allemagne qui dit que c'est un des titres de cet album-là, pas celui qu'on a écouté, mais un autre titre qui s'intitule Mamadul und ihr Sauerkrautbahn spielt auf, ce qui veut dire Mamadul et son Schuckrautbahn joue. D'accord. Et d'aucuns disent que c'est de là que viendrait le terme de krautrock pour définir la musique psychédélique progressive allemande de ces années-là. Du coup, ce serait plutôt autoproclamé par des musiciens allemands et pas un terme péjoratif qui aurait été assigné par des noms germanophones. En tout cas, c'est quand même un terme qui vient d'Angleterre, mais qui a été assigné donc par des noms germanophones, comme tu le disais très bien. Pour le coup, oui, on a toujours prêté un côté péjoratif. Peut-être que c'est tout bêtement une citation d'un groupe allemand, ce qui est une version quand même plus classe. Voilà, on progresse. Oui. C'est bien, on apprend des choses. Amondul, donc cette communauté de hippies sont amenés à enregistrer cet album-là, ainsi qu'à jouer pas mal de festivals, dont des gros festivals, ce qui amène au sein du groupe une espèce de problématique, parce que certains des musiciens On a envie un peu de recentrer le propos parce que ça devient un peu trop foutraque à leur sens, et recentrer le propos et surtout avoir une vision, genre enregistrer d'autres albums, pourquoi pas des albums qui marchent, faire pas mal de concerts, enfin bref, se professionnaliser un petit peu dans la musique. Et puis, je cite l'un des musiciens, il y en a un petit peu assez, les répètes, c'est une bande, c'est des musiciens en cercle qui jouent du bongo ou alors qui jouent de la guitare, certains qui savent même pas en jouer, c'est n'importe quoi, on compose pas, on n'avance pas, enfin voilà, il y a une espèce de schisme au sein de ce groupe sur qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce projet-là. Et ce schisme qui amène la création de Amandul 2. Voilà, 2 en chiffre latin. Donc c'est 6 musiciens d'Amandul donc qui quittent la formation originelle. Formation originelle qui continue à exister sans ces 6 musiciens, qui sortira un ou deux albums de plus, fera quelques concerts, mais bon. N'aura pas la renommée qu'aura ce Amandul 2 qui pour le coup par contre va d'entrée poser les bases de ce qu'on appellera justement le krautrock avec des albums qui sont vraiment mais qui sont la définition de cette musique là. Ça commence en 69 avec Phallus Dei, le phallus de Dieu, qui est un album assez intéressant, qui montre vraiment un clivage. Il y a toute une face avec des morceaux plutôt catchy, plutôt efficaces, je dirais peut-être mode radio, et par contre la deuxième face c'est une longue suite qui s'appelle Phallus Dei justement, et là en 24 minutes il développe un propos musical hyper intéressant, varié surtout, voilà, avec beaucoup beaucoup d'influences, qu'elles soient africaines, indiennes, l'apparition d'un sitar, de percussions, il en reste encore beaucoup, le tout quand même sur un fond rock, blues, psyché, mais qui se permet des petites incartades comme ça à droite à gauche, une musique, je sais pas comment dire ça, ça s'écoute posé, puis on rentre dedans, quoi, c'est sensoriel, quoi. C'est vraiment une musique qui dégage un univers, mais surtout qui fait des choses aussi à l'intérieur du corps. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti, ce premier album. Le deuxième, Yeti, pareil, qui est vraiment considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre et des albums fondateurs donc, du mouvement krautrock. Et là, pareil, on a vraiment certains morceaux un peu courts et catchy qui m'ont pas spécialement intéressé, j'avoue, mais par contre les longues suites sont vraiment intéressantes. Il y a carrément c'est un double album et il y a toute une partie de ce double album où c'est 3 improvisations extrêmement longues et où ils invitent d'ailleurs des potes qui sont restés dans Amandul, et là ça rejoue un petit peu, on sort les bongos, on sort les guitares, mais c'est hyper intéressant, puis ouais, c'est une musique très riche. Alors moi du coup je suis plutôt allé chercher du côté du troisième album, et en vrai le morceau que vous allez écouter maintenant, pour avoir écouté justement cette période 69-71 qui est considérée un peu comme la période d'or de Amandul 2, là je suis allé chercher donc dans un album en 1971 qui s'appelle Tanz der Lemming, la danse des Lemmings, et donc pareil, une face entière c'est une très longue suite, la face B très longue suite. Ce qu'on va s'écouter maintenant c'est pas une suite, c'est une improvisation qui, j'avoue, c'est peut-être pas ce qui illustre le mieux le son d'Amandul 2, mais si vous êtes séduit par tout ce que je viens de raconter, jetez-vous sur ces 3 albums-là, ils sont vraiment excellents. J'étais plus titillé par celui-ci, qui est un poil plus atmosphérique, un peu plus éthéré, un peu plus musique concrète, et quelque part, je me dis, c'est peut-être celui-là que Stephen Stapleton a écouté, qu'il a un poil peut-être inspiré pour Nurse With Wound, mais là c'est complètement personnel comme interprétation. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu plaisir à écouter ce morceau, à partager cette expérience sensorielle avec vous dès maintenant. Et voilà, donc c'est parti pour un long voyage. Thank you. Que de croutons. Nous revoici sur Radio pour l'émission Vraiment Autre Chose. Quatrième tentative d'exploration de la Nurse With One List, nommée Au pied de la lettre. Alors, il est 22h11, 12, je ne sais plus bien, mais dans ces eaux-là. Et sur 106.8, vous nous écoutez. Si vous nous écoutez en replay, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sur les podcasts de Radio sur Mixcloud ou sur le blog de Vraiment Autre Chose Haut et Fort, ben bienvenue et à tout bientôt. On poursuit cette aventure avec Tony, Tony qu'on a eu tout à l'heure, qui nous a proposé Airway. Et Tony, es-tu là? Oui, je suis là. Très bien. On avance. Oui. On avance dans l'alphabet. Exactement. Merci pour Amundul. Deux. Ouais. Deux, oui. Fini les drogues, vive la musique, Amundul. Ouais, c'est à peu près ça l'esprit, ouais. Je précise vraiment que ce morceau est pas vraiment représentatif. Moi, c'est celui qui m'a le plus tapé à l'oreille, au cœur et au reste. Mais ouais. Voilà, j'ai un peu décrit la musique, faut plus la chercher du côté du psychédélique progressif. Un poil aventureux, parfois avant-gardiste, souvent chanté d'ailleurs. Moi, j'ai choisi un morceau instrumental. Voilà, c'est pas le morceau le plus représentatif d'Amundul 2. Par contre, pour avoir écouté les trois premiers albums, ouais, c'est quand même, à mon sens, le meilleur. Voilà. Petite précision. Je me suis un peu renseigné d'ailleurs la dernière fois sur le terme crotrock, qui est un peu péjoratif, effectivement, mais qui a priori vient des critiques anglaises, qui, alors j'imagine, étaient un peu jalouses peut-être de ce mouvement musical, et a priori le terme crotrock viendrait des critiques anglaises, de la presse anglaise. Je ne sais pas si tu as pu nous écouter tout à l'heure, mais grâce à Amundul, on a étayé même une théorie comme quoi ces critiques anglaises se seraient inspirées d'un titre d'Amundul, en fait. Oui, c'est ça. Ah ben, j'ai pas entendu. Voilà, mais il y a Amundul et leur Sauerkraut Band. Voilà. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais, mais ça, c'est les tenants du pudding rock qui ont voulu... complètement, ouais. Ah ben, moi, je préfère la choucroute, hein, personnellement, mais parce que je suis normand, alors je suis pas très objectif. Eh bien, chers amis, nous allons découvrir Artzoid, qui a une jolie histoire, Artzoid, parce que, en fait, selon les sites et selon les wikis, certains disent qu'ils viennent de Valenciennes et d'autres de Maubeuge. Donc je vais faire une supposition. C'est qu'au départ, ça vient de Valenciennes, du sud de la France. Donc groupe fondé en 1969 par Rocco Fernandez, qui a un nom qui est bien du sud, hein, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc Rocco Fernandez monte ce groupe-là. Au départ, a priori, groupe de jazz rock assez free, influencé par, vous savez qui? Par Frank Zappa et son album Weasel Sweep My Flesh, autrement dit L'écureuil m'a bouffé la gueule, en 1970. Voilà, ils arrivent à sortir un 45 tours en 1972, qui est assez curieux d'ailleurs, quand on connaît l'œuvre de Artzoid, on ne comprend pas trop que ça vient d'eux. En 72, l'album s'appelle, enfin le 45 tours s'appelle Sangria, on peut l'écouter sur YouTube, et c'est vrai que c'est assez rock quand même, il y a de la guitare, de la batterie. Ensuite, ce qui s'est passé a priori, c'est qu'il y a l'influence de Magma, hein, qui sort Kobaya en 70, qui devient incontournable. On a pu l'entendre avec plusieurs groupes qu'on a déjà passés, dont les lettres A, dont Hamson, d'autres groupes, donc toute cette seule musique. Archaïa, voilà, c'est ça, Archaïa. Ouais. Alors, des espèces de copies un peu de Magma, bon, on en pense ce qu'on en veut, peu importe. Mais en tout cas, ça crée un gros changement de personnel. Et donc, les deux futurs piliers arrivent, qui s'appellent Gérard Ourbet et Thierry Zaboitzef. Et eux, je pense que c'est ça, en fait, la différence d'info, parce que là, eux, c'est Maubeuge. Je pense que c'est des gens qui viennent du Nord. Et donc, voilà, différence d'information entre Valenciennes et Maubeuge. Donc là, on est très, très, très, très, très, très près de la frontière belge. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Et en fait, le mec du départ, Rocco Fernandez, se barre. Voilà. Donc c'est Gérard et Thierry qui prennent un peu la relève et qui vont faire de la musique de chambre. et qui vont surtout faire leur premier album en 1976, qu'on va écouter maintenant. La particularité de leur formation, c'est qu'il n'y a plus de batterie. Donc, on n'est plus du tout dans la tchèque musique, on n'est plus du tout dans cette espèce de copie, hein, mais de référence à Christian Vonder. Et en fait, ils vont créer, alors j'ai pas vraiment les dates de Univers Zéro, mais ils vont créer un peu un groupe, un peu comme des frères siamois d'Univers Zéro qui sont pas très loin, puisque Univers Zéro est aussi un groupe plutôt de musique de chambre, musique contemporaine de chambre, on va dire, qui sont plutôt basés en Belgique. Alors moi, j'ai fait, alors bon, je tiens mes infos des internets, de super blogs, voilà, mais j'ai voulu faire un petit parallèle par rapport à ces descriptions, c'est-à-dire que dans Univers Zéro, on est plutôt dans des, alors j'aime bien l'expression, dans les ténèbres d'un lointain passé, alors j'ai envie de le rapprocher à Tolkien, par exemple. Et dans Artzoid, on est plutôt dans la folie moderne. Et là, ça me fait plutôt penser à Druyer, par exemple, cet auteur de BD qui fait des dessins de science-fiction magnifiques. Et voilà ce qui les sépare un petit peu. Et notamment, le titre de leur premier album en 1976 s'appelle « Symphonie pour les jours où brûleront les cités ». Donc voilà, parallèle entre ces deux groupes qui sont effectivement très différents quand on les écoute, qui sont très très beaux, qui ressemblent à rien d'autre. C'est pas de la musique classique, c'est pas non plus de la musique de chambre comme on l'entend, c'est pas non plus de la musique contemporaine, ni même de la soul music, mais ça leur appartient vraiment. Donc des instruments classiques, pas de batterie, de la musique très vivante, qui est toujours en mouvement, qui est toujours autour des cordes. Et d'ailleurs, ils existent toujours. Hein, il y a eu quelques décès depuis, je crois que, je ne vais pas dire de nom, je ne sais plus qui c'est qui est mort. Ils ont fait une bonne douzaine d'albums. Gérard Roubette, ouais, récemment. Roubette, je n'osais pas le dire, parce que je ne pourrais pas... J'ai eu l'occasion de le rencontrer pour vraiment autre chose, une histoire particulière avec lui. Oui, je te raconterai ça à l'occasion, mais Thierry Zabotsev est encore en exercice, mais je crois qu'il exerce plutôt en solo. Et Artzoid a récemment remonté un spectacle auquel j'ai pu assister d'ailleurs, de rejouer la musique de leur début, parce que par la suite ils partent un peu sur autre chose, effectivement c'est très rock de chambre cet album là, par la suite il y a des expérimentations plutôt électro je dirais, ou des arrangements bizarres, voilà, mais qui ressemblent plus forcément à cette couleur de cet album là. Qui est produit par Michel Bessette, qui était aussi organisateur du festival Rock in Opposition, qui est souvent venu dans nos studios, et que je salue. Voilà, c'est le seul album à ma connaissance qu'il ait jamais produit. C'est cette symphonie pour le jour où brûleront les cités de Artzoid. D'accord, et ben voilà. Bon, ben, très bien. Voilà, ils ont fait plein de ciné-concerts. Moi, j'étais très heureux parce que je connaissais ce groupe-là depuis très longtemps. Je les ai accueillis il y a 15 ans avec un Métropolis, je crois. Hein. Ils ont fait pas mal de ciné-concerts avec Le Voyage dans la Lune de Méliès, Vampire de Dreyer, Nosferatu de Murnau et Métropolis de Fritz Lang. On peut dire un peu la formation de cet album avec Patricia Dallo, piano. Piano acoustique électrique, Alain Eckert, guitare et voix, Gérard Roubette au violon, Gilles Pénard au saxo, Jean-Pierre Suarez, trompette, percu, et Thierry Zabotsev à la basse, violoncelle et voix. Pour finir, symphonie pour le jour où brûleront les cités, eh bien, chers amis, ça me fait penser 40 ans après, à Ma cité va craquer de Jean-François Richer, non, 30 ans après, pardon, en 1996. Super album de hip-hop, c'est une autre histoire, mais voilà, Ma cité va craquer, Artzoid. On peut toujours trouver des liens, tout comme en ce moment, j'essaie de trouver des liens entre Georges Brassens et Kurt Cobain, mais j'y arriverai. Vive la musique. Et bon voyage, et bonne soirée alors. Merci. Merci à toi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, on passera à la lettre B et peut-être la C, s'il y a beaucoup moins de A, je ne sais pas. Voilà. Écoute-nous jusqu'au bout, on dévoilera le fond de l'affaire un peu plus tard. En attendant, on s'écoute scène de carnaval, donc Artzoid tiré de la symphonie pour le jour où brûleront les cités. Avec des masques. Thank you. pas, nous venons d'écouter donc Artzoid, la chanson Scène de Carnaval, tirée donc de cet album Symphonie pour je ne me souviens plus bien, mais bon, vous savez de quoi on parle. Symphonie pour le jour où brûleront les cités. Ah mais oui, où voilà. Notre cité craquera. Voilà. Oui, c'est pas le même, tout à fait la même utilisation du mot cité. Là, on est dans une là, quand grec. Ils disent les cités, ils veulent dire les villes, quoi. Enfin, ils veulent dire tout le monde. C'est plutôt nihiliste comme propos. Oui, la cité grecque, quoi. Oui, voilà. Nico, tu as l'antenne, tu peux couper derrière. Voilà, c'est coupé. C'est coupé. Non, mais c'est bien, ça nous fait un petit rappel à l'ordre. C'est très bien. Artzoid, est-ce que t'as quelque chose à rajouter là-dessus? Ouais. C'est incroyable. Hein. Ouais, vraiment. Totalement. C'est le premier album, c'est des rêves, c'est des voyages, c'est incroyable. Pour moi, c'est vraiment la première année de... Je l'adorais vraiment. Et aussi, comme Tony a dit, il y a probablement un petit lien entre l'univers zéro, la formation de Belgique qui était fondée en 73-74. Et c'est un peu dans le même zone de musique de chambre. Ouais. Ça reste fou. Et on perd les mots. Et je pense qu'on vient d'arriver pour attaquer la dernière personne dans la liste North with Wound où le nom avec la lettre A commence. Exactement. Ouais, carrément. Le 29e nom. Ouais. Et donc là, il reste dans cette liste-là encore un Allemand qui s'appelle Albrecht D. C'est un artiste allemand lié à la scène Fluxus. Il a travaillé entre autres avec Joseph Beuys et Troby Crystal. Mais avant d'approfondir la personne Albrecht D, voici quelques informations sur Fluxus pour vous aider à le situer. Fluxus est un mouvement d'art contemporain né dans les années 60 qui touche aussi bien les arts visuels que la musique et la littérature par la réalisation des concerts, d'événements, de production de livres, de revues, la confection d'objets, initié par le Lituanien George Misiūnas, qui en invita également l'appellation Fluxus, participe aux questionnements soulevés par les formes d'art qui voient les jours dans les années 60-70, statut de l'œuvre d'art, le rôle de l'artiste, place de l'art dans la société. L'humour et la dérision sont placés au centre de la démarche et participant à la définition de Fluxus comme non-mouvement produisant de l'art de anti-art et aussi plutôt un art distraction. Outre le dadaïsme et le surréalisme, Fluxus a attiré l'attention de Stephen Stapleton. On peut le voir très clairement dans plusieurs de ses créations. Je vais aussi citer quelques noms des membres de Fluxus pour vous donner une idée. Donc, George Misiūnas, comme je viens déjà de dire, Lituanien, mais qui était déménagé vers New York. Il y a aussi Vytautas Landsbergis, qui était un musicologue et homme de l'État lituanien, dont le rôle a été déterminant dans le marche vers l'indépendance de la Lituanie contre la volonté de l'Union soviétique. Il fut le premier chef de l'État post-indépendance, mais il y était aussi Yoko Ono, Namjoon Paik, Lamont Young, Philip Körner, Willem de Ridder et Joseph Beuys, pour que citer quelques-unes. Et Joseph Beuys est aussi l'artiste allemand qui a produit nombre de dessins, sculptures, performances, happenings, vidéos, installations et théories constituant un ensemble artistique très engagé politiquement. Pour revenir à Albrecht D, il a inventé la performance instantanée permanente. Son travail comprend mail art, musique sans fin, copies traitées, expositions, installations, concerts, timbres, le magazine Reflex Press, l'art dans la société, vie, amour, mort instantanée, de beaux-arts pervers, énergie abstraite, violence permanente et bien plus encore. Albrecht D a décrit le théâtre musical comme l'une de ses premières influences artistiques significatives et tout au long de sa vie, il est resté attaché de certaines idées fondamentales de Wagner avec lesquelles il a entretenu une relation très intense. Le travail interdisciplinaire de Wagner est apparu à Albrechté comme approche évidente pour son expression artistique, la combinaison de l'image, du mot et de la musique et de l'action. Il était donc évident que le mouvement Fluxus émergent en Allemagne a immédiatement attiré. L'art l'avait déjà intéressé à l'école et dès le début de son apprentissage, il s'est rendu compte qu'une carrière bourgeoise ne lui plaisait pas. Et l'envie de s'occuper professionnellement de l'art est devenue de plus en plus forte. À partir de 1966, il apparaît en public, d'abord avec des happenings. Il a rapidement cherché et trouvé le contact avec les représentants exposés du mouvement Fluxus. En 1966, il a fondé le journal Flux et en même temps la Reflection Press. C'était le passage de l'artiste à l'éditeur. À partir de ce moment-là, il s'est engagé dans une union personnelle et ainsi devenu non seulement un représentant de Fluxus, comme quoi qu'il est encore mentionné aujourd'hui dans de nombreuses considérations sur l'histoire de l'art. Par ses activités de publication, il est également devenu un multiplicateur et un propagandiste de Fluxus. Dans sa maison d'édition ou via le journal Fluxflix, il distribuait des tracts, des pamphlets, des textes très divers, des cartes postales, des affiches, etc. Au fil du temps, la presse Réflexion s'est transformée en une maison d'édition qui publiait des petites éditions d'artistes, des cartes postales et même des livres reliés. Albrechté prend officiellement ses distances avec le mouvement Fluxus, a officiellement pris ses distances avec le mouvement Fluxus lui-même au début des années 70, car selon lui, trop de gens pratiquaient Fluxus uniquement comme l'art pour l'art. C'était trop peu et finalement trop réactionnaire pour lui, qui s'est toujours considéré comme un artiste politique. Dans ses provocations envers les marchands d'art et les artistes en général, Albrechté a toujours cherché la résistance, le discours, la confrontation et ce noyau contestataire auquel il pouvait se frotter. Pour lui, Fluxus, tout comme les happenings, les performances et les autres formes d'art qu'il utilise, a toujours été un moyen pour lequel il voulait provoquer des réactions. En fin de compte, il préférait une réaction négative à l'absence de réaction. C'était un signe qu'il avait atteint quelqu'un. En fin de compte, il n'a jamais complètement rompu avec Fluxus. Jusqu'à sa mort, il en restait en contact avec les représentants individuels de Fluxus et de Néo-Fluxus et parfois collaborer avec eux et à propager leurs œuvres. Et donc, on va maintenant écouter un morceau qui est plutôt une performance qu'il a réalisée en 1974 dans le ECI à Londres pour une expo qu'il a donnée là. Et là, il travaillait ensemble avec Joseph Beuys. Et qu'on vous va, à mon avis, facilement, vite comprendre que ce n'est pas de musique traditionnelle qu'on va écouter, c'est dans l'esprit de Albrecht D. et Joseph Beuys. Eh bien, merci pour toute cette mise en contexte. Et on va s'écouter ça de suite. Et puis, on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne soirée. Merci à toi, Nico. Bye. Ciao. Tantôt. quando appare il simbato di notte. Thank you. Thank you. Yeah. Waouh! Albrecht D. et Joseph Beuys. Donc, c'était performance à lycée A de Londres le 1er novembre 1974. On s'est écouté toute la première partie donc, de cette performance de ces artistes que notre ami Nico nous a fort bien présenté en préambule d'écoute. Ah, ça sent le récapitulatif. Oui, ouais, générique de fin, récapitulatif. Ce soir, nous avons terminé d'être les naufragés du A. C'en est fini de cette lettre A. Nous vous avons parlé au cours des 4 premières émissions de Au pied de la lettre de 29 groupes qui commençaient par la lettre A. Et voilà, et on a fini, et on attaquera la lettre B dès la semaine prochaine. Et ça, oui, ça fait bien plaisir. On peut dire que juste sa lettre A, au pied de la lettre, m'a été de, ou sera, et de bon augure. Ouais, carrément. Tout comme l'émission de ce soir, on a vraiment voyagé dans des univers musicaux très, très particuliers. Je dis particulier dans le sens aussi où ils appartenaient vraiment aux musiciens qui les ont créés, quoi. Et on a voyagé dans des sons vraiment différents. Il est temps de récapituler. On a commencé avec... Alors, nous avons commencé avec Nico, et qui nous a parlé de Aksak Maboul. Ouais, carrément, qui nous a fait écouter 5 titres des 11 danses pour combattre la migraine, premier album de Aksak Maboul, qui nous a chaudement recommandé, comme on vous a chaudement recommandé le deuxième. Ensuite, nous sommes allés à LA grâce à Tony, vu qu'il est à Cherbourg, donc il est directement au port, et on a écouté Airway. Yes, ouais, Airway, donc une des émanations de la Los Angeles Free Music Society, donc cette société secrète. Voilà, tout à fait. Ce collectif, c'est le mot que je cherchais. Voilà, collectif de musiciens de Los Angeles qu'apparemment on va retrouver tout au long de notre exploration des lettres, puisque Tony nous a cité pas moins de 15 émanations de ce collectif apparaissant dans cette liste. Donc les 15 n'apparaissent pas dans cette liste. 15 font partie de ce collectif, mais il y en a 3 ou 4 qui font partie de cette liste. Ok, bon, enfin, on va les retrouver. Oui. En plus, il a dit qu'on allait en retrouver certains aussi en tant que musicien. Exact. Donc, pas mal d'occurrences de ce collectif dont on a fait la connaissance avec Airway, très, très hyper noisy. Ouais, carrément. Et puis ensuite, on allait outre-Rhin avec Amandule 2. Ouais, et on a écouté donc un extrait de leur troisième album, Tanz der Lemminge, et le titre, c'était The Marilyn Monroe Memorial Church. Une impro, d'ailleurs, pour être précis. Une impro ou une intro ? Une impro. Une impro. Voilà, tout à fait. Une longue impro de 19 minutes. Avec ce groupe, on s'y perd rapidement, parce que vraiment, dans leurs impros, il y a vraiment des choses qui ont l'air d'être... bien préparé, bien composé, donc je parlerai d'impro pas complètement libre, mais en tout cas avec des points de repère. Mais témoin cette magnifique montée qu'on a écoutée tout à l'heure. Voilà, et on a poursuivi donc cette exploration avec Arzoid, entre Maubeuge et Valenciennes, qui se trouve, excuse-moi de te le rappeler Tony, mais dans le nord, c'est Valence qui est dans le sud. Mais voilà. Et cette précision géographique, et puis on s'écoutait Scène de carnaval, donc tirée de la symphonie pour le jour où brûleront les cités, premier album de Arzoid, on est en 1976. Et du reste, on va se quitter, une fois ce récapitulatif terminé, on se quittera avec un tout dernier titre justement d'Arzoid, Les Fourmis, qui précède ce morceau-là. On va s'écouter cette suite à l'envers, avec des morceaux au milieu. Et après, du coup, c'était le morceau que nous avons écouté en dernier, que Nico de Bruxelles, de Radio Panique, nous a présenté. Donc, Albrecht D. Et je te laisse le plaisir d'énoncer le nom de ce morceau. Bon, j'ai déjà fait. C'est la face A qui s'intitule Face A, tirée d'un disque, une performance à l'IKEA de Londres, 1er novembre 1974, pour être précis. Voilà, c'est le nom de ce disque. Ouais. Bon, bah, ils ont dû en sortir, en presser. Il se trouve que Steve Stapleton a dû passer par là. Peut-être qu'il a assisté à ce concert. D'ailleurs. Peut-être bien. Ouais. Ouais. Et une chose est sûre, c'est que bah, la semaine prochaine, on se retrouve donc pour augurer une nouvelle lettre et voilà, le B, en l'occurrence, vu que a priori, c'est ce qui suit. Voilà. Bah ouais, ouais. Ouais, ça tombe bien parce que j'ai un morceau du groupe pour la lettre B qui s'appelle... qui commence par Alpha Beta. Voilà. Ah, parfait. Ouais, donc on sera à raccord. On le sera d'autant plus. Bah, sais-tu que Jean-Jacques Birger, qui fait partie de cette liste qui apparaît dans la lettre B, il y a un de ses morceaux, bien après 78, cela dit, qui s'intitule Au pied de la lettre. Ah, et voilà. Et donc la boucle est bouclée. Pour le B, c'est très bien. Voilà. Et donc on se retrouve pour le B. La semaine prochaine, et en attendant, portez-vous bien, et à très bientôt, et on se quitte donc avec Artzoid, le titre Les fourmis, toujours la symphonie pour le jour, où brûleront les cités. Bonne fin de soirée à tous en attendant ce jour. Des bisous.